Ja. Sont pas très gais, c'est clair, mais je dis que des vérités et que je finis trop rarement la tête dans l'évier pour pouvoir me voiler la vérité. Je parle juste de ce que je vois, ce que je vis, ce que je ressens. Ça sort d'un coup d'un G, je m'en fous, fou, je le suis, mais je mens pas. J'aime la vie, mais elle me le rend mal. Car quand un de mes frères se fait enterrer par la misère, ça me chope dans les viscères. Je peux pas faire taire les vipères qui veulent ma peau pour se faire le loto sur mon dos. Car d'après eux, ma voix vaut de l'or. Les maisons de disques veulent faire de moi une pute. Je lutte, je refuse, je muse à vous servir du son gratuit pour garantir l'authenticité. Je le produis moi-même, fais le tourner en boucle dans ta cité. C'est la vie comme elle est sur CD. C'est déplorable, monsieur le notable, ce que je raconte, car c'est sûr que j'ai pas toujours la positive attitude. Non, non, surtout depuis que j'ai vu le jour d'après être le même que le premier. Ah ah ah, alors permettez-moi de critiquer si je trouve que l'État abuse, que les mensonges fusent dans les discours de la politique. On retient plus que les sourires ironiques. Nick, vous polluez nos esprits en nous gavant de conneries. En plus, on devrait dire merci. Amen à ce qui se dit. Le débat est clos depuis trop longtemps, mais le combat continue depuis tout. Et je suis le tireur qui t'abat. La chaleur t'abat, ton cache où tu crèves. Ouais, et je suis le tireur qui t'abat. Chaleur dans ton cœur, t'abat ton cache où tu crèves. T'abat ta cache où tu crèves. La fièvre du samedi soir, connard, c'est quand on est foncé débourré, rentrant de soirée en cherchant à éviter le Condé. Quand le colis n'est pas encore livré, on stresse, on trace des traits sur le passé. On décime nos avenirs qui n'ont jamais été dessinés. On n'a pas la même destinée. Pendant qu'en été, certains vont à la mer. Pour d'autres, c'est la merde, n'ont même pas de mer. Le macadam, notre plage. On tourne en rond, on devient fou. On est assimilé à des prisonniers. Yeah, nous, on va pas digérer, les quartiers sentent mauvais, ouais. On devient des aliénés, on n'est pas intégrés, la France croit qu'on va la manger. Moi je dis que c'est elle qui nous a pas dirigés, les quartiers sentent mauvais, ils n'y poussent que pourriture. Les banlieues sont les poubelles de la France, Sarko c'est les boueurs sponsor par Karcher qui veut nettoyer les conséquences, mais surtout pas éradiquer les causes. Sarko c'est le gadjo qui nous cause mal, qui à force de vouloir nettoyer c'est tout taché. Et maintenant il sent le facho. C'est chaud pour le pays, car si ça continue, on s'attaque au fil, on vous éclate, bande de débiles. Moi je te jure que ça risque de partir en vrille si ça continue sur cette lancée. Merde, merde, merde, ça va chier. Ouais, et on va tous balancer, balancer, balancer notre flow, notre style, notre haine, notre violence avec trop d'aisance. De toute façon, on va débarquer avec des battes de baseball et des cagoules. Vous pouvez pas rien faire parce qu'on est vraiment trop fort. Et si bas, c'est la misère qui nous pousse à ne plus rien avoir, avoir à perdre. Alors du coup, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On veut même plus jouer, juste tout niquer, tout casser pour le plaisir, pour le bonheur de pouvoir peut-être un jour tout reconstruire et avoir un avenir meilleur pour nous. Voilà notre espoir, notre seule et unique chance. Certains me diront que c'est de la démence, mais je te jure qu'au fond, mec, ça reste toujours de la clémence. Quand on se laisse faire, on reste calme.